Je traverse l'archipel, et de la Madeleine. Au bout de l'horizon, je sens la brise nouvelle. La passe touristique ouvre ses grandes ailes. On contrôle la foule, un rêve artificiel. Ville en 15 minutes, crédit social en vue. Libérons nos cœurs pour un monde moins tendu. Les rues sont si calmes, sous les étoiles perdues. On marche tous ensemble, le silence continue. Ville en 15 minutes, crédit social en vue. Libérons nos cœurs. Sont si calmes, sous les étoiles perdues. On marche tous ensemble, le silence continue. Oh, oh, ville en 15 minutes, au-delà des murs, cherchons l'air pur sous ce ciel d'azur. Cherchons l'air pur sous ce ciel azur.